بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc nous sommes toujours dans l'explication du troisième hadith, qui est celui de Ibn Omar, radir anhuma, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bunya l'islam wa la khams. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج البيت والحديث متفق عليه. وcette version c'est celle de Al-Bukhari, qui est que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que l'islam a été bâti sur cinq, c'est-à-dire cinq piliers: l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que son messager, et que Mohammed est son messager, et l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, somme de Ramadan et le hajj. Nous avons pris quoi dans la première partie? Al-Shahada, ma'ana al-Shahadatayn. Et on a dit que ces deux Shahada étaient accolées l'une à l'autre, que aucune des deux ne se passe de l'autre. Celui qui atteste qu'il n'y a nulle divinité d'être adoré si ce n'est Allah est contraint de reconnaître que Mohammed est son messager. Car cette adoration qui est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, exclusive pour lui, n'est enseignée que par le biais du Coran, qui était descendu sur qui? Sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par le biais de la sunnah. C'est-à-dire le biais de la sunnah, qui elle-même est une révélation en majeure partie. En majeure partie, la sunnah est une révélation. Car la sunnah, comme cela est expliqué dans différents points, elle est de deux catégories: tawqifiyah, c'est-à-dire celle qui vient de la révélation, qui descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, ou ijtihadiyya, que le prophète fait un ijtihad de lui-même, et que celui-ci peut se voir correct, ou peut se voir autre que cela, et si jamais il n'est pas correct, Allah le corrige immédiatement. Comme cela est arrivé, cela a été aussi un sujet qui était parmi les choses qui ont été soi-disant reprochées à notre shir Yahya, hafizahullah ta'ala. Et la réalité, comme beaucoup de savants l'ont évoqué, et que la sunnah, la majeure partie de la sunnah, est révélation. Et parmi elles, il y a ce qui est ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous n'allons pas nous étaler sur ce sujet. Nous avions pris également as-salah, et comme as-salah, le fait d'accomplir la salat, nous avions dit que celle-ci, la salat, doit être accomplie comme nous l'enseignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala, sallu kama ra'aytumuni usalli. Accomplissez la salat comme vous m'avez vu le faire. Et également, Fikoli Ta'ala, Inna salat tanaha anil farshay wal munkar, que certes la salat empêche aux turpitudes et aux blâmables, comment ce verset peut être expliqué? Du fait qu'il s'agit de la salat accomplie pleinement comme telle qu'était celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire celui qui accomplit une salat de façon incomplète, celle-ci ne l'empêchera pas de tomber dans les turpitudes. On voit beaucoup de gens qui accomplissent sa salat tous les jours, cinq fois par jour même, et malgré cela, ils tombent dans les grands péchés et dans des actes blâmables. Donc quelqu'un pourrait se dire, comment pourrait-on lier entre la parole d'Allah et les actes de cet homme? Tout simplement du fait que cet homme ou cette femme n'accomplit pas la salat comme il se doit. Il y a un manquement dans ses piliers, dans ses actes recommandés, et ainsi de suite. Et celui qui a accompli la salat pleinement, selon l'enseignement de la sunnah, celui-là, bi'idhnillah ta'ala, est préservé de tomber dans les maux, on va dire les grands péchés de façon continuelle, les turpitudes et les choses blâmables à grand degré. Naam. Aujourd'hui, nous allons rentrer, inshallah, dans la fin du hadith qui concerne la zakat, le siyam et le hajj. Donc, Shir reprend en disant « Qawluhu wa ita'i zakat » et l'accomplissement, ou plutôt l'acquittement de la zakat. Al-Raknu Thalithu min Arkan al-Islam, qui est le troisième pilier des piliers de l'islam. Ita'i zakat et le mustahiqiha, le fait de s'acquitter de la zakat et de la verser à ses revenants droits, de la verser à ceux qui la méritent, à ceux qui elle revient en droit. Car ce n'est pas toute personne qui doit recevoir la zakat. Law adda al-zakat fi shaqq al-turuq ma adaha ala sahih. Par exemple, celui qui verserait sa zakat dans le fait d'arranger, d'améliorer les routes, les routes dans les pays d'islam, celui-ci n'aura pas, ne sera pas acquitté de la zakat comme il se doit. Celle-ci ne sera pas acceptée. Ou celui, par exemple, qui aurait acheté des moquettes, par exemple pour les masajid, pour les mosquées, ou des micros, ou des haut-parleurs, ou qui aurait creusé des puits pour les musulmans, celle-ci ne lui sera pas comptée comme valide. Car la zakat a des conditions et des gens vers qui elle revient. Donc celui qui aura fait cela, qui aura versé son argent dans ces choses-là, dans ces domaines, sa zakat ne sera pas valide pour lui. لِأَنَّ اللَّهَ صَرَّفَهَا فِي كِتَابِهِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Que les sadaqas, là le sens voulu par sadaqa, là c'est la zakah, celle qui est le rokn de l'islam, le pilier de l'islam. Donc les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres et les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, c'est-à-dire en islam. Dans l'affranchissement des jougs, des esclaves, c'est-à-dire ceux qui sont lourdement endettés, hein, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. Fal-fuqara wal-masakin, les pauvres et indigents. En français, il y a ni pauvre et indigent, c'est le même sens. Mais en arabe, al-faqir wal-miskin, il peut y avoir une différence entre les deux. Yani al-faqir wal-miskin, c'est un peu comme l'islam ou l'iman. Lorsque l'on cite un seul, par exemple al-faqir, il a le sens du faqir et du miskin. Comme l'islam, on a dit, lorsqu'on dit l'islam tout seul, cela regroupe l'islam et l'iman. Mais lorsqu'on le cite tous les deux, al-faqir ou al-miskin, là il y a une petite différence, avec bien sûr une divergence entre les savants, mais il y a une différence. Al-faqir ou al-lazi yajidu shay'an la yakfih. Le faqir, c'est celui qui a peu de choses, mais celles-ci ne le suffisent pas. Al-faqir, c'est celui qui possède certaines choses, ne le suffisant pas. Wal-miskin, adna halan minhu. Et le miskin, celui dont le cas est moindre, encore plus bas, celui qui ne possède rien du tout. Mais si on dit le faqir tout seul, ça peut être les deux. Et si on dit le miskin tout seul, ça peut être les deux. Wal-jabi, alazi yajbi alayha yu'ta minha, mustahakun, walau kana ghaniyan. Donc là, il s'agit de qui? C'est celui qui reçoit l'argent, qui se charge de recevoir la zaka, ayant été décrété par l'État, par le gouverneur. Lui, celui qui se charge de récolter cet argent, est en droit de recevoir aussi. D'accord? Il reçoit la zaka. Celui-ci, il reçoit la zaka, même s'il est riche. Et ceux dont les cœurs sont à gagner. Ceux dont les cœurs sont à gagner. Par exemple, une personne dont on espère qu'il rentre dans l'islam, un kafir, mathalan, qui a un haut rang, et on se dit qu'en lui donnant, inshallah, cela sera une cause pour le faire entrer en islam. Lui, inshallah, cette zakah peut lui revenir de droit. Même s'il est riche, celui-là, afin de gagner son cœur, on lui donne la zakah. Également, قوله والغارمين يعني الذي يرام من ماله لصلح بين المسلمين أيضا ولو كان غنيا وهو غارم يعطى من الزكاة. Donc là, le gharim, c'est qui? C'est celui qui s'est endetté, par exemple, de son argent pour essayer de concilier entre deux parties de l'islam. Quand je dis deux parties, je ne dis pas deux hizb. Je ne veux pas dire deux hizb. Par exemple, un groupe de musulmans et un groupe de musulmans sont en conflit. Et lui, pour tenter de concilier entre les deux, dépense de son argent pour cela. Et bien lui-même, s'il est riche, à partir du moment où il s'est endetté pour concilier entre deux groupes de musulmans, lui, inshallah, il mérite la zakat. Naam. Et je dirais même que celui-là est en droit de demander de l'argent. Il rentre dans ceux qui ont le droit de demander de l'argent. Également, qu'ouluhu wa fi sabilillah, et sur le sentier d'Allah. Mithl shira as-silah وكراع ونحو ذلك للمجاهدين في سبيل الله وطلبات العلم يشملهم كله وفي سبيل الله على الصحيح. Sur le sentier d'Allah, comme le fait d'acheter de l'armement ou de l'équipement, par exemple pour les combattants sur le sentier d'Allah, ou également pour les étudiants en sciences. Ceux-ci sont compris dans la parole fi sabilillah, sur la parole la plus authentique. طيب. Il y a également Wabni Sabil. طيب. Ibn Sabil, c'est qui? C'est le voyageur. Et là, maintenant, c'est le voyageur. Ibn Sabil. Wabni Sabil, ou al-Munqati' fi at-tariq, celui qui est en voyage et qui est perdu et qui est en détresse. Fayu'ta walau kana ghaniyan fi baladi. Et celui-là, on lui donne, même s'il est riche dans son pays. Hein, un exemple, un riche vient d'un pays. Par exemple, un Marocain s'en va en voyage au Yémen. Et de là, il lui arrive des problèmes. Alors que dans son pays, il est riche. Et là, au Yémen, il se trouve en situation difficile. Et bien, celui-là, si une personne a une zaka, il peut la lui donner. Quelqu'un du Yémen ou d'ailleurs veut aider cet homme qui est en détresse à l'extérieur de son pays, lui est en droit de recevoir la zaka. Naam. Thumma yaqul, Ashir. وهناك فروع لهذه المسائل يطول ذكرها. Et il y a également d'autres sujets, yani annexés à ces situations qui touchent à la zaka, plein de choses qu'on pourrait citer. Cependant, cela allongerait le cours, donc on se contentera de cela. Celles-ci sont les principales, celles-ci sont les bases. ومانع الزكاة بخلا لا يكفر أما مانعها جهودا فهو الذي يكفر. Donc, quant à celui qui refuse de donner la zaka par avarice, il ne veut pas donner de son argent, tout en reconnaissant que celle-ci est obligatoire et légiférée, lui, il n'est pas rendu mécréant. Mais quant à celui qui s'obstine et refuse de la donner, en voyant que celle-ci n'est pas, elle n'est pas obligatoire, que cela ne lui revient pas, lui devient mécréant. Vous voyez, celui qui refuse de donner la zakat, qui a atteint le nisab, qui a atteint la somme à donner, et qui refuse de la donner en disant non, je n'ai pas la donnée, ceci n'est pas obligatoire sur moi, lui est rendu mécréant. Comme cela est arrivé dans l'histoire de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qui a combattu el-Ridda. Un groupe d'Arabes, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, refusèrent de donner la zakat. Donc de là, Abu Bakr décida de les combattre, afin de la prendre de force. Et ceux-là ont été rendus apostats pour leur refus de verser la zakat, car eux voyaient que celle-ci n'était plus un droit obligatoire sur eux. De l'Abou Bakr al-Siddiq, on les a combattus. Donc celui qui refuse de la donner et voit que celle-ci n'est pas obligatoire, le shir dit. Donc celui, yani qui refuse de donner la zakat, juhudan, qui s'obstine et il voit qu'elle n'est pas obligatoire, celui-là est rendu mécréant. Par contre là, il y a une erreur dans le livre, car le shir cite un hadith qui au contraire lui vient pour démontrer que celui qui ne paye pas la zaka n'est pas forcément rendu mécréant. Donc là, il a dû avoir une erreur d'impression, car la parole du chien ne correspond pas avec le hadith. Toujours est-il que le hadith, on va le lire directement en français. Ce hadith qui sera cité comme preuve que celui qui ne s'acquitte pas de la zaka n'est pas forcément rendu kafir, contrairement à celui qui ne fait pas la salat. Et là, le hadith qui suit en est la preuve. Donc il dit, comme cela est venu dans Sahihain, Sahih Bukhari ou Muslim, selon Abu Huraira, radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul homme n'amasse de l'or ou de l'argent sans en payer la zakat au jour de la résurrection. Des plaques métalliques rendues incandescentes dans le feu de l'enfer lui seront appliquées sur le flanc, sur le front et sur le dos. Après qu'elles aient refroidi, elles seront à nouveau rendues incandescentes et elles lui seront appliquées durant un jour d'une durée de 5000 ans. Vous voyez? Durant 5000 ans, cet homme-là sera châtié pour avoir refusé de donner la zaka. Jusqu'à ce que les comptes des hommes soient réglés. Yani, hisab al-ibad. Il verra alors la destinée qui lui a été réservée, soit le paradis ou bien le feu de l'enfer. Donc on lui demanda: ô Rasulallah, et si les biens étaient des chameaux, c'est-à-dire autres que l'argent et l'or, cette fois-ci, si les biens étaient des chameaux. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, la même chose pour le possesseur de chameaux, qui n'en paye pas la zaka, qui consiste à distribuer un peu de son lait, le jour de son abreuvage. C'est-à-dire le jour où il abreuve les chameaux, lui, sa zaka, c'est de donner du lait de ses chameaux. Du moins des chamelles, tabaran. Au jour de la résurrection, il sera jeté à terre. On amènera tous ses chameaux, sans que un chaland ne manque, c'est-à-dire tout le troupeau entier, mâle ou femelle, petit ou grand, viendront. Et ceux-ci le piétineront avec leurs sabots et le mordront. Et le fouleront dans un va-et-vient continu. Et cela durera un jour de 50 000 ans. Afouane, dans le hadith, au début, je dis 5 000 ans, 50 000 ans aussi. Hein. C'est un jour de 50 000 ans. Même pour l'or et l'argent, c'est une durée de 50 000 ans, et non pas de 5 000 ans. Non. Et cela, un jour de 50 000 ans, jusqu'à ce que les comptes des serviteurs soient réglés. Il verra alors sa destinée qui lui a été réservée, soit le paradis, ou soit le feu de l'enfer. On demanda ensuite, et qu'en est-il du sort du possesseur des ovins et des bovins, c'est-à-dire des vaches et des moutons? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, la même chose pour le possesseur d'ovins et de bovins, qui n'en paye pas la zakat. Au jour de la résurrection, il sera jeté à terre et on amènera tout son bétail, sans exception, aucun d'entre eux n'aura de cornes courbées, ni ne sera décornu. C'est-à-dire, ils auront tous des cornes droites et elles seront toutes présentes. Et ni n'aura d'oreilles fendues, c'est-à-dire leurs oreilles ne seront pas fendues à son bétail. Ces animaux l'attaqueront avec leurs cornes et le fouleront, c'est-à-dire le piétineront, dans un va-et-vient continuel, et cela durera un jour d'une durée de 50 000 ans. Wa'alaikumsalam. Jusqu'à ce que les comptes des serviteurs soient réglés. Il verra alors sa destinée qui lui est réservée, soit le paradis, ou bien le feu de l'enfer. On demanda alors à nouveau, qu'en est-il du possesseur de chevaux? Ô Rasulallah. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, les chevaux sont de trois catégories. Ils représentent soit un péché pour un homme, soit un rempart pour un autre, ou soit une récompense pour un troisième. Le cheval qui est un péché pour son propriétaire, c'est celui qui le destine par vanité, c'est-à-dire qui s'occupe de ses chevaux par orgueil. Par orgueil et ostentation pour s'attaquer aux musulmans, qui en fait, c'est-à-dire un moyen pour des guerriers qui s'en prendraient aux musulmans. Le cheval, ça c'est la première catégorie. Le cheval est un rempart pour son propriétaire, c'est un rempart du feu. C'est pour celui qui le destine à servir sur le sentier d'Allah. Du moins sans négliger d'en donner le dû d'Allah. Soit en le donnant à un guerrier, c'est-à-dire un mujahid, fi sabilillah, le droit de s'en servir. Qu'il laisse son cheval à disposition d'un mujahid. Ou soit en versant la zakat. Celui-là, c'est la deuxième catégorie, celui pour qui le cheval est un rempart. Le troisième, c'est le cheval qui est une récompense pour son propriétaire lorsque celui-ci le consacre aux musulmans pour s'en servir dans la cause d'Allah, en l'attachant au sein d'une prairie ou d'un jardin. Et tant que le cheval mange de ce pâturage, autant l'homme en amasse de bonnes actions équivalentes. Le montant de celle-ci augmentera même au suivant de la quantité des crottins et des urines de l'animal. Même si ces chevaux se détachent de leur, c'est-à-dire de leur pâturage là où ils sont regroupés, et courent à une longue allure d'une colline ou plus, Allah inscrira à leur propriétaire de bonnes actions équivalentes au nombre de leurs traces. C'est-à-dire plus le cheval court, et chaque récompense sera donnée à son propriétaire, ainsi que leur crottin. Et lorsque leur propriétaire, par exemple, traversera un fleuve avec eux, et que ses chevaux s'en abreuveront, même s'ils n'avaient pas l'intention de s'y abreuver, Allah lui inscrira de bonnes actions équivalentes à la quantité de l'eau bue. Vous voyez? En mesure de la quantité d'eau bue. On demanda alors au Rasulallah, qu'en est-il des ânes? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne m'a rien révélé à leur sujet, sauf ce verset exceptionnel et exhaustif, où il dit, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Que celui qui aura œuvré le moindre bien, ne serait-ce qu'un atome de bien, le verra. Et celui qui aura œuvré en mal, ne serait-ce qu'un atome de mal, le verra. Donc ce hadith, comme le dit le shir, al-shahid, la parole qui nous concerne, c'est que dans ce hadith, il dit au début que cet homme qui n'a pas donné la zakat verra sa destinée qui lui est réservée, soit le feu, soit le paradis. Cela veut dire quoi? Qu'il n'est pas forcément mécréant. Car s'il avait été mécréant, ça aurait été quoi? Directement l'enfer. Sauf que lui ne sait pas ce qu'il attend. Il verra soit le paradis, si Allah lui pardonne, ou soit l'enfer. Le chi reprend en disant فَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ يُرَى سَبِيلُهُ يَدُلْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافِرِ إِلَّا إِذَا جَهَدَ. Donc le fait qu'on lui dise qu'il verra sa destinée, qu'il lui réservait soit le feu, soit le, par, soit le feu, soit l'enfer, soit le feu, soit le paradis, cela démontre qu'il n'est pas un kafir. Hormis s'il voit que le fait, hormis s'il refuse de donner la zakat, juhudan, c'est-à-dire il voit qu'elle n'est pas obligatoire sur lui, et sauf s'il n'a pas la donnée, celui-là sera rendu kafir. Naam. Summa yakul wa qawluhu wa sum ramadan. Sa parole, le siyam de Ramadan, le jeûne du Ramadan. Ma'loumun sum ramadan wa ma fihi min al-fadila wa huwa raknun arkan al-islam. Donc la vertu, le mérite du jeûne de Ramadan est connu et qu'il est un pilier parmi les piliers de l'islam. Là, il vient en quatrième position. Liqouli subhanahu wa ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, celui dans lequel est descendu le Coran. On sait que le mois de Ramadan est le meilleur des mois de l'année. Et celui dans lequel les portes du paradis sont ouvertes. Et celui durant lequel les shayatines sont enchaînées. Les grands shayatines sont enchaînés, comme cela est connu. Il est qu'olihi, faman shahida minkum al-shahr falyasum. Et celui d'entre vous qui est présent durant ce mois, qu'il le jeûne. Qu'il accomplisse ce jeûne. Donc ces versets-là démontrent l'obligation du mois de Ramadan. Et ce hadith, qui lui-même, car lui-là, les versets cités, ne stipulent pas que cela est un pilier de l'islam. Cependant, comme il est connu, la sunna est elle venue pour détailler et expliquer, éclaircir, ce qui peut être vu comme de façon générale dans le Coran, et montre que ce jeûne de Ramadan est un pilier de l'islam. Hein? Bouni l'islam ala khams, sha'arat an la ilaha illallah, وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصوم رمضان. Ce hadith démontre que le siyam, le jeûne, est un pilier de l'islam. ثم قوله وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Et le hajj vers la maison d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba, pour celui qui est en mesure de l'accomplir. Pour celui qui est en mesure de l'accomplir. طيب. الاستطاعة هي الزاد ورحلة والراحلة وأمن الطريق ووجود المحرم أو الزوج للمرأة. Donc, c'est quoi être en mesure de faire le hajj? Quelle est la capacité de couper le hajj? C'est premièrement d'avoir les provisions et le moyen de transport et le chemin sécurisé et également un mahram pour la femme. Ça, cela est propre à la femme, que celle-ci est un mahram. C'est-à-dire que l'homme qui accomplit le hajj, ou la femme, sont en mesure d'aller et de revenir, en sécurité. Et que la femme est un mahram avec elle. Car même le hajj, qui est un pilier parmi les pays de l'islam, il n'est pas permis à la femme de voyager sans mahram. Son hajj, si elle le fait, inch'Allah est accepté. Mais elle sera considérée comme ayant commis un péché. Et de là, son hajj aura été atteint d'une désobéissance. Donc de là, comme le dit Cheikh Yahya, elle ne reviendra pas comme celui qui a accompli un hajj, comme celui qui vient de naître, qui vient de sortir du ventre de sa mère. Et le hajj al-bar, c'est celui lorsque celui qui l'accomplit, il revient sans aucun péché sur lui. Il revient comme un nouveau converti ou comme un nouveau-né. Cependant, celui qui accomplit des désobéissances durant son hajj, lui, n'aura pas atteint ce degré de récompense. Son hajj, inch'Allah, est accepté, mais ne reviendra pas comme celui qui n'aura aucun péché sur lui. Tout comme celui qui, par exemple, fait le hajj avec de l'argent haram. Hein? Ou celui qui commet des désobéissances durant le hajj, s'il accomplit les piliers du hajj comme il se doit, cependant, ses transgressions lui feront perdre la récompense de celui qui n'aura commis aucun péché, du moins qui reviendra sans avoir commis aucun péché. Naam. Donc, il dit wa la yaskutu al-hajj 'ala al-mustati' min rijal wa an-nisaa wal jinn wal ins. Donc le hajj est une obligation qui reste sur celui qui est en mesure de l'accomplir, parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les djinns et parmi les humains. هذه الأركان كلها على الجن والإنس. Donc ces piliers, ces cinq piliers, se voient obligatoires sur les hommes et les djinns. أي المكلفين. المكلفين, celui sur qui la charge a été donnée. Celui qui, à qui il est obligatoire d'accomplir les actes imposés par l'islam. Et qui est responsable. طيب وهي في سائر الملل. Et donc ces piliers ont été également trouvés dans les, toutes les autres communautés, les autres religions, on va dire les autres communautés d'avant celle de l'islam, khas, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avaient également ces piliers. فمن كان مسلما فعليه هذه الاركان. Donc celui qui est musulman doit accomplir ces piliers. والجن فيهم مسلمون. الجن parmi eux il y a des musulmans et des kuffars. قال تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. Et que parmi nous il y a les musulmans et parmi nous il y a les injustes. Et là le sens par injuste ici c'est les kuffars. فالمسلمون يجب عليهم العمل بهذه الأدلة. Donc les musulmans il est obligatoire de d'œuvrer en fonction de ces preuves. وبهذه الواجبات من توحيد والصلاة والزكاة والصيام وحج إلى آخره. Et qu'il est obligatoire d'accomplir ses obligations de tawhid, celle qui est comprise dans les shahadatayn, et le salah, et de zakah, et de siyam, et de hajj. Ces cinq piliers sont obligatoires sur tout musulman. Même sur le kafir à la base. Ce qui est obligatoire au musulman incombe également au kafir. C'est-à-dire que le kafir, yom al-qiyama, sera châtié pour ne pas avoir accompli ses obligations. Cependant, malgré qu'il soit un kafir, s'il l'a fait, elles ne sont pas acceptées car il n'est pas musulman. C'est-à-dire, demain, on ne peut pas aller voir un kafir et lui dire « Fais salah, fais le hajj, jeûne. » On ne peut pas l'obliger à le faire, nous. Cependant, yom al-qiyama, ces choses-là lui seront comptées. Mais tant qu'il n'est pas musulman, même s'il l'a fait, par exemple, demain, tu vas voir un kafir et tu lui forces de faire la salah, sa salah ne sera pas acceptée. Car les œuvres, comme on l'a dit dans le hadith « Inam al-amal bin niyah », que l'œuvre du kafir, elle n'est pas acceptée tant qu'il reste dans le kouf. Celles-ci sont acceptées à partir du moment où on sera rentré dans l'islam. وَلَا شَكَّ أَنَ الصَّلَاةَ أَوْجَبَ مِنَ الْحَجِّ. Il n'y a pas de doute que la salat est prioritaire et plus obligatoire que le hajj. لِيَنَّهَا مُتَكَرَّرَ. Car celle-ci se répète. C'est un acte répétitif. Cinq fois par jour. وَأَنَ الْحَجَّ إِنَّمَا وَلِنُ عَلَى الْمُسْتَطِيرَ. Et que le hajj n'est que pour celui qui est en mesure de le faire. La salat, chaque personne a un degré. Même le malade a une salat qui lui est propre. À partir du moment où il est conscient. À partir du moment où il est conscient, même s'il est allongé sur un lit en état d'immobilité, il a une salat qui peut être faite pour lui. Une façon de faire la salat, ça c'est encore un autre sujet, mais il y a des rites qui lui sont propres. Ça, du malade, incapable de bouger, il a des choses qu'il est en mesure de faire. Par contre, celui qui est dans le coma ou qui est inconscient ou qui dort, ça c'est autre chose. Alors que le hajj, lui, n'est obligatoire que pour celui qui est en mesure de le faire, comme cité précédemment, c'est-à-dire qu'il ait les provisions, le moyen de transport et que la femme a un mahram. Par exemple, un homme malade qui a toutes ces choses regroupées, lui demandera à quelqu'un de faire le hajj pour lui. Alors que la salat, il n'y a pas de salat pour quelqu'un d'autre. La salat, tu la fais pour toi-même. Par exemple, demain, quelqu'un, son père met le mort, il ne faisait pas la salat ou n'a pas fait la salat ou quoi, on ne fait pas la salat pour lui. La salat, c'est une obligation individuelle qui revient à chaque personne, pour lui-même. Alors que le hajj peut être accompli pour autrui. Naam. Et le jeûne pareillement. Le jeûne, avec des conditions bien sûr requises, peut être accompli pour quelqu'un d'autre. Je parle d'une personne qui est morte, hein, qui n'a pas accompli le jeûne, on peut accomplir un jeûne pour elle. Amel vivant, celui qui est vivant, lui il a des compensations, des kafarat. Soit il nourrit des pauvres, ou soit il rattrape. Cela dépend des situations. Wa hadith ibn Omar, hadha qad ja'a 'an 'adad min as-sahaba. Donc ce hadith est également venu par beaucoup d'autres sahaba. وهذا الذي قرأناه هو المشهور في الباب والحمد لله رب العالمين. Et celui que nous venons de lire, lui, c'est celui qui est connu sur le sujet. De là s'achève les paroles de Shir. De là, j'aimerais évoquer un sujet également se rapportant à ce hadith, qui est ce qu'a rapporté Ibn Rajab dans son charh de ce hadith également, qui est le fait que le jihad n'est pas été cité par les piliers de l'islam. Pourquoi est-ce que le jihad n'a pas été cité. Donc Ibn Rajab dit وَلَمْ يَذْكُرِ الْجِهَادَ فِي الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ ابْنُ عَمَرْ هَذَا مَعَنَا الْجِهَادَ أَفْضَلِ الْعَمَلِ. Donc il dit que le jihad, comment cela qu'il n'ait pas été cité dans le hadith d'Ibn Omar, alors que le jihad est la meilleure des œuvres. وَفِي رِوَايَةِ أَنَّ ابْنُ عَمَرْ قِيلَ لَهُ فَالْجِهَادُ قَالَ الْجِهَادُ حَسَنُ وَلَكِنْ هَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَهُ مُسْلِمٌ. Et dans une version, il a été dit à Ibn Omar, et le jihad, qu'en est-il du jihad? Donc lui dit, le jihad est une bonne chose, Hassan. Cependant, nous avons cité ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté. C'est-à-dire, il a cité les cinq piliers, sans citer le jihad. Ibn Omar dit que je vous rapporte la chose comme le prophète me l'a rapporté, en citant les cinq piliers, sans citer le jihad. Et cela est une version citée par l'imam Ahmed. Wa fi hadith Mu'adh ibn Jabal, أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والذروة سنامه الجهاد. Donc que la tête de l'affaire c'est l'islam, de toute chose c'est l'islam, et que son pilier vecteur c'est la salah, et que son sommet c'est le jihad. D'ailleurs il y en a zurwat sanami, c'est la chose la plus haute, le summum d'une chose. لكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها وذلك لوجهين. Cependant, le jihad n'est pas un pilier, n'est pas compté parmi les piliers de l'islam, pour deux raisons. أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء وليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان. Que chez la plupart des savants, que le jihad c'est une obligation commune, c'est-à-dire que si une partie de la communauté s'en occupe, une autre s'en voit dispenser. Vous voyez, ce n'est pas une obligation individuelle. Contrairement à ces piliers, les piliers cités précédemment, les cinq piliers, sont des obligations individuelles qui reviennent à chaque personne. Pas même. Wathani, deuxième raison, an al jihad liyastamirru fi aluhu ila akhir al dahr, que le jihad n'est pas une œuvre qui va perdurer jusqu'à la fin des temps. بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى حينئذ ملة غير ملة الإسلام فحينئذ تدع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك والله أعلم. Il dit que lorsque Isa عليه السلام va venir et qu'il ne restera plus que la communauté de l'islam, alors à ce moment-là il n'y aura plus de guerre et les armes seront posées. On se passera du jihad. Contrairement à ces autres piliers qui, eux, sont des obligations sur chaque croyant jusqu'à ce que vienne le décret d'Allah. Et Allah est plus savant. Naam. De là, j'aimerais faire un tambid lorsqu'il dit, dans la première raison, qui est que le jihad est un fard kifaya, c'est-à-dire une obligation commune. Là, il parle de quoi? Du jihad tarab, c'est-à-dire le jihad de conquête, et non pas jihad dafa. Le jihad dafa, c'est le jihad de défense. Celui-là peut être fort de haïn. Il peut être pour chaque individu. Par exemple, lorsque les ennemis rentrent en terre d'islam ou dans un lieu où il y a des musulmans et qu'ils se retrouvent face à l'ennemi, là, à ce moment-là, ce jihad est obligatoire pour tout le monde. Même pour les femmes. Qu'elles se défendent en mesure de leur capacité. Le jihad, à ce moment-là, ne peut pas forcément dire prendre une arme et aller devant l'ennemi. Ça peut être en ravitaillement, ça peut être par exemple les femmes elles cuisinent ou elles soignent les blessés et ainsi de suite. À ce moment là chacun doit y mettre du sien, et celui qui ne le fait pas aura commis un grand péché. Mais lui là, quand il parle du jihad qui est un fort kifaya, il fait allusion au jihad tarab, celui qui est la conquête, celui qui se fait avec un gouverneur et des troupes désignées qui eux partent en conquête en avant pour prôner l'islam, pour conquérir des terres ou affronter l'ennemi qui refuse d'accepter l'islam. Naam. Donc de là s'achève l'explication de ce hadith, du troisième hadith. فَنَكُلْ نَكْتَفِ بِهَادَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.